Yes baby. Alors, ça marche. T'as un piste. J'ai pris des coups mais je les sens plus, sale fils de. Sur te monte en l'air, tu redescends plus, t'as un piste. J'ai pris des coups mais je les sens plus, sale fils de. Si on te monte en l'air, tu redescends plus. On veut voir les ennemis, les tchagas pliés. La bonté, loyauté, j'ai déjà gaspillé. Quand on est pauvre, endetté, qu'on a essayé. Être honnête, c'est un luxe qu'on peut pas se payer. Être honnête, c'est un luxe qu'on peut pas se payer. Gros, je peux même pas les aimer en sécurité. On veut prendre de l'oseille, on veut pas briller. Donc j'ai monté ma carrière dans l'obscurité. Très tôt, j'étais cheaté dans les vitesses. Peut-être dans la tête, yo, dans les taux. Vanté mes vatos sur le matos. Toutes sortes de métaux dans leur auto. Giro, dans le rétro, j'ai grandi tôt. Fiston, j'ai pas d'idole. Bandito, poto. On les connaît bien, tous ces mythos. Y'en a tous les 200 mètres dans mon ghetto. Oui. Mili c'est le minimum et dans la minute on a mis les mains dans la khara. Willy ton montana ton limite tes couilles diminue vite. Quoi y'a de là je suis avec Nino B dans le série cab noir. Je compte ma solia poto j'ai pas les mains à moi. Ta richesse masse mauvais gros voulez pas de moi. Avant la fin du mois pff, vas-y fin de moi. Ne m'étonnez pas vous étonnez pas solo dans la part. J'ai fait pour ta part que des faux départs. Entre nous et eux y'aura pas des bas y'aura que des hauts. Pourtant rien qui parle on les connaît pas. J'étais de bœuf dans ma cellule. Comme un gogol j'parlais seul tout. J'parlais seul tout. Ben oui. Les jaloux, les suceurs de queue, j'en ai fini avec eux tous, avec eux tous. N.I.R. Chiche. Yes, baby. Alors, ça marche. T'as un piste. J'ai pris des coups, mais je les sens plus, sale fils de. Si on te monte en l'air, tu redescends plus, t'as un piste. J'ai pris des coups, mais je les sens plus, sale fils de. Rafraîchis ma mémoire, quelque chose m'échappe, tu t'en sors plutôt bien. Ouais, t'as trop de chattes, je te fais pondre dans ces petits regards. Chapi chapeau, je suis dans le terrain fourré comme un pack, pas que des mecs en fourraille. Et comme dans le Dakota, ouais, pose-moi tes questions, je réponds du tac au tac. Rentrer dans l'histoire, tu n'en as pas les torpes, je suis rentré dans la banque sans faire toc toc. J'ai démarré tout petit dans des bidonvilles à Kin avec une chance plus fine qu'une Philippine. Depuis dans les magazines, ça veut zoomer dans ma vie. Ouais, du genre, y'a un truc qui me tue les pines. Putain de zik plus génétique qui laisse des marques indélébiles. Je pourrais être au Tel Aviv, paraît-il, je suis une star à Tel Aviv. Et ouais, je suis partout, dans les wagons du tram, dans les boîtes locaux, sous t'as ouvert des crânes. J'ai guetté l'inspi dans des couloirs du trône, mais j'ai pris des selfies dans des vapeurs de crack. Ça s'attarde, ça s'étale, donc personne sépare. Le mec a fait monter la meuf dans cet appart. En 10 ans, j'avais pas que c'était ta femme. Évidemment, dans la seconde, une patate, plus la tape, ça se tape comme Statam. Pas de constat, dans les yeux, y'a Satan, puis ça lève la bûche comme Zlatan. Si vous saviez comme je vois la vie, moi, les mauvaises herbes, j'élimine. C'est plus sur des œufs que je marche, avec les risques que je prends, je marche sur la dynamite. Je suis sûr de moi comme Zinedine. Je me tue à sortir que des inédits. Autour de moi que des sangsues, que des sœurs sues, que des mots que je censure. Je vais mourir comme une Newgate, mon heure approche, donc tac, je prends la posture. J'ai fait tout ça en moins de 10 piges avec une putain de pierre dans la chaussure. Ouais, je parle pas, reconnais mon visu. J'en ai trop vu, mes lunettes fissures. Le paradis des mains est dans la poche du vizir. Dur de tomber sur une belle fissure. Je t'ai vu faire l'amour pour des écus. Je t'ai vu le faire pour payer les études. Tourne comme un sécu. De quoi n'écoute plus cher que la voiture. Ourti le sais-tu, l'ennemi est vaincu. Son corps gît sans vie dans la peinture. Petite, moyenne, grosse pointure. Noir, écarlate et la ceinture. Tu ressentiras ce que je ressens sans tube. Carrière ambiguë sans tube. J'ai trop baraudé sans thune. Le showbiz c'est non, je t'en tube. Le soleil va se chez vous. En un petit peu chaque jour, okay. Ils font tout pour me chez tout, comme si j'étais tout pas que chaque jour. Une tarte pour te mettre à jour, oh, j'ai trop d'égo, j'avoue. Et hey, rafale dans ta